Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Movies Nerd, l'émission où l'on discute des films que l'on a vus durant le mois passé. Vous êtes à l'écoute de l'épisode numéro 37, enregistré le 13 février 2018. Je suis Axel, un des hôtes de ce podcast. C'est aussi le premier vrai podcast, entre guillemets, de 2018. Donc en même temps, on vous souhaite la bonne année si vous n'avez pas écouté le bilan de 2017. Honte à vous, mais voilà. Par rapport à la date où on a enregistré, donc on est quand même le 13 février, donc la veille de la Saint-Valentin. Ouais. Le temps que le podcast sorte, on va dire, disons 16. Au plus tard, le 20 février, t'imagines encore bonne année le 20 février. Ouais, c'est clair. Bref. Et puis, sans compter les personnes qui écouteront ça dans le futur, en 2034. Peut-être. Ouais, genre, oh là là, ils vont parler de Three Billboards, oh là là, ça a l'air bien, ils vont écouter ça le 28 mars, on dirait bonne année. Bizarre. Voilà, donc j'ai avec moi, comme vous avez pu l'entendre déjà, Morgane, mon co-hôte, salut. Oui, bonjour, bonsoir. Comment tu vas? Très bien, très bien, c'est parfaitement bien. Je suis content de l'entendre. Enfin moyen, je me suis tapé 50 nuances plus claires oui, c'est vrai. À la veille tu t'es barré. Oui, et ben voilà, je tiens à le dire, il n'y aura pas de notes sur le film. Et pourtant j'y suis allé en me disant, j'ai vu les deux premiers quand même, donc peut-être que je vois le 3. Je n'ai pas tenu, mais c'est rare hein, pour vraiment que je sorte d'une salle, c'est vraiment que le film a un problème. Ouais. Enfin, à mon humble avis. Et pourtant les deux premiers tu es quand même allé les voir et tu n'es pas sorti de la salle, donc Oui, mais le 2 je me suis endormi. Ouais. ça a pu aider. J'ai voulu dormir, je me suis forcé à m'endormir, fallait que le temps passe vite. Ouais. Le temps n'est pas passé, j'ai allumé mon téléphone et puis je fais ouais, c'est bon, hop, au revoir. Voilà. Et on m'a spoilé la fin, j'ai clairement rien loupé. D'accord, ok. Bon bah voilà, comme ça, de toute façon vous savez que vous n'auriez pas eu d'avis pour le prochain podcast du coup consacré au mois de février sur 50 nuances plus claires, voilà. Et puis ceux qui ont du goût, à savoir ceux qui ne vont pas voir ce genre de film, c'est ceux qui nous écoutent, donc voilà. Bon, on va pas vous juger non plus si vous allez voir ce film, hein, voilà. Non, la vous preuve, avez... j'adore Spawn et la boîte. Oui, bon. tous les goûts sont acceptés ici. Hein. J'adore 2012, j'adore voilà, toute la filmographie de Roland Emmerich, il n'y a pas de problème. Non, ah, je suis fan. Hein. Oui, 2012, c'est un super film. Voilà. Je vais quand même faire rapidement le sommaire. Oui. Donc, on commencera avec une sélec où c'est que Morgane qui va parler parce que moi, je me tape sur les doigts, mais j'ai vu pas beaucoup, j'ai vu aucun film à part le film du mois dont on va parler pendant le mois de janvier. L'avantage, c'est que je vais avoir raison. Voilà, donc, et pourtant, je voulais absolument voir un film dont on va parler, dont Morgane va parler, et moi, j'interviendrai très certainement, c'est Mise à mort du cerf sacré. Parce que c'est un des films que je voulais absolument voir en 2017. Alors qu'il ne l'a pas vu, hein, donc il va quand même dire, il va dire oui, t'as raison Morgane, ouais, c'est un chef-d'œuvre, alors qu'il raison, ne l'a pas voilà, vu. Mais... Parce qu'il refuse d'admettre qu'un film de Yorgos Lanthimos puisse être raté. C'est ça, donc, exactement. Voilà. Exactement. Donc voilà, Mise à mort du cerf sacré, Lost City of Z, In the Fade, The Greatest Showman et Three Billboards. C'est tous les films dont Morgane va parler dans la sélec. Ensuite, pour le film du mois... On va parler tous les deux, cette fois-ci, de Pentagon Papers. On l'attendait énormément, le nouveau film de Steven Spielberg. Il était dans mes attentes au-dessus de Ready Player One. Il était ex-aequo. Ouais, il était ex-aequo. Toi, t'avais un peu triché, mais voilà. Mais en tout cas, on l'attendait énormément. Mais départager Ready Player One et Pentagon Papers, c'est comme ma main droite et ma main gauche. Les deux me sont utiles, l'une plus que l'autre. Mais en tout cas... c'est clair que... voilà. Mais en tout cas, je suis... Non, je pouvais pas. Ouais. C'était tellement deux films qui promettaient. On en a vu un sur les deux. Et est-ce qu'il est bien ou pas? On verra. Mais verra voilà. Ça, mais ouais. Donc, tout ça pour dire qu'on l'attendait énormément. Et vous aurez la réponse sur ce qu'on en a pensé dans quelques minutes. Et on finira... Après minuit. et on finira avec la Minute Nerd qui... Après minuit. Oui, une vraie minute. Non, en fait, je pense que ce sera... Je spoil déjà. Enfin, je dis pas sur ce que ce sera, mais en tout cas, ce sera sûrement de la musique. Et au lieu de parler, enfin, je vais un peu introduire le morceau et l'album, mais je vais plutôt vous passer des extraits. Ce sera peut-être plus intéressant que de m'entendre parler sur l'album, finalement. Voilà. Donc, ah oui, oui. Il me semblait bien que tu avais acheté l'album de Louane. <m'en parler>. Bref, passons à la suite. Ne nie pas, hein, vous voyez. Hein, non, mais... là, c'est, franchement, je vous tiens un peu le suspense, effectivement. Ça risque de parler de Louane dans ce podcast. Franchement, vous allez voir, ça parlera de Louane. Je vous, mais on parie. Restez jusqu'à la fin, vous verrez, vous serez surpris. Ouais, vous serez surpris, vous serez surpris. On passe à la Select, c'est parti. On est donc à la première rubrique de ce podcast et je vais laisser la parole à Morgane qui va nous parler de, je ne sais plus déjà. Three Billboards. Ouais, voilà. Vas-y. Et d'ailleurs, ça me fait penser, quand je vois le programme de ce podcast, ça va être un programme très fort en personnages féminins et en performance d'actrice. Mm-hmm. Et je trouve d'ailleurs que ce début d'année 2018 est vraiment riche à ce niveau-là. La plupart des rôles marquants, des prestations marquantes, ce sont des prestations de femmes. Pour ce début d'année. Ça fait du bien par les temps. Oui. Pour ce début d'année, voilà. Mmh. Par les temps qui courent, ça fait du bien. Mmh. Voilà, on est bon. Et donc là, je vais parler donc de Three Billboards, un des nombreux favoris, hein, des Oscars, film de Martin McDonagh, dont le précédent film était Seven Psychopaths, que je n'avais pas vu. Oui, que j'ai vu, qui était. C'était un peu spécial, mais c'est. C'était pas mal. En parlant de Three Billboards, Quentin a fait une critique sur Movies Nerd que je vous invite à lire, bien sûr. Voilà. Continue, Morgan. Et donc, il a aimé ou pas? Je ne sais pas, j'ai pas vu. Oui, il a aimé. Eh bien, Quentin a raison. Voilà. Parce que ce film est excellent, je vais vous dire pourquoi. Déjà, ce que j'aime au cinéma, voilà, ce côté western moderne, on est clairement dedans. Et c'est un film en plus qui surprend, mais à chaque minute, par son changement de ton, son changement de rythme, même de genre. Ouais. C'est-à-dire que, de base, c'est une histoire de vengeance. C'est une femme dont la fille a été assassinée et violée, qui réclame justice face aux flics corrompus de la ville. Enfin, l'autorité judiciaire est assez corrompue. En tête de liste, on retrouve Sam Rockwell, qui joue le rôle d'un flic profondément raciste, humainement dégueulasse. Il le joue génialement et je pense qu'il aura, et j'espère hein, d'ailleurs, l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, parce que je pense que c'est le rôle de sa vie. Il est nommé dans cette... Il me semble qu'il est nommé, mais en tout cas il a eu le Golden Globe, donc logiquement si... Oui, bon. Ouais, ça, c'est souvent indicateur. Ouais. Et donc il y a aussi Woody Harrelson qui joue le rôle du shérif, et surtout, le rôle de cette femme est tenu par Frances McDormand et elle est l'égérie des frères Coen. Et d'ailleurs, le film rappelle beaucoup le cinéma des frères Coen. C'est à la fois sérieux, drôle aussi. Ouais, il y a un aspect comique, ouais, j'imagine. C'est assez comique, mais c'est un comique en fait qui met un peu mal à l'aise. On est quand même dans une histoire très sérieuse de vengeance, d'une femme qui réclame justice, qui va défier l'autorité policière, qui a envie de connaître la vérité et qui va ne pas hésiter à sortir les poings, mais véritablement d'ailleurs, hein, au sens propre comme au sens figuré. Elle va affronter vraiment ces flics pourris jusqu'à la moelle. Et c'est un film totalement déroutant parce que parfois on rigole, mais franchement, mais vous êtes gêné. Moi personnellement, je me dis, mais pourquoi je ris alors que cette histoire-là devrait me prendre aux tripes? Alors qu'elle me prend aux tripes. Ouais. Il y a quand même des scènes qui sont, en termes de mise en scène, là clairement, je n'avais jamais vu un seul film de Martin McDonagh, mais je vais quand même aller arpenter ses anciens films parce que si en termes de cinéma et de mise en scène, c'est équivalent, mais là, voilà, en termes de réel, je pense que je pourrais l'estimer encore plus. Mm-hmm. On a quand même des plans séquences qui sont hallucinants. Il y a un travail sur la musique, un travail sur la lumière, mais surtout la façon de placer ces acteurs à l'écran. Frances McDormand, quand elle est à l'écran, mais elle bouffe l'écran par son regard, elle est imposante, alors que c'est un corps, voilà, c'est pas, elle a un corps très fin, mais elle a 60 ans, hein, je rappelle. Enfin, tu disais oui, voilà, aussi, elle est très en forme en plus. Hein. Ouais, c'est une année, enfin, qui démarre fort pour les femmes, mais pour les femmes aussi qui ont dépassé les 50 ans. Et ce qui est assez rare aussi à Hollywood. Et donc, non seulement les acteurs sont absolument géniaux, mais c'est surtout un grand film de personnages, plus qu'un film d'intrigue. Parce que oui, on a cette histoire de viol, de meurtre, on a envie de savoir la fin. Et en termes de rebondissement, il y a franchement ce qu'il faut. Mais il ne faut pas aller le voir pour ça. Il ne faut pas le voir en se disant ça va être une enquête et tout. L'enquête, finalement, elle est assez secondaire, puisque ce qui prime dans le film, c'est les rapports entre les personnages qui sont changeants. C'est pour ça que parfois, on passe du rire aux larmes, de l'énervement à la compassion. Enfin, il y a vraiment tout ce qui se mélange, et parfois sur le même personnage. Le personnage de Sam Rockwell, qui est quand même un personnage humainement dégueulasse, c'est un raciste qui... Je vais pas spoiler une scène, mais il y a une scène où franchement il est impossible d'avoir une once de compassion, on a juste envie qu'il crève, et le plan suivant, on a juste envie de le prendre dans ses bras en disant mais je t'adore, merci d'avoir tout compris. Et c'est un film qui joue là-dessus, qui joue sur l'ambiguïté des personnages, et finalement ce qui fait que les personnages, je vais pas vous spoiler qui est quoi, mais la vérité sur le... La finalité de cette enquête va être amenée non pas par un événement scénaristique, par un rebondissement, un espèce de twist, comme on aurait pu s'y attendre. Moi, je m'attendais un peu à ça et j'avais pas envie que le film m'amène là-dessus. C'est finalement, la vérité se trouve dans les réactions des personnages. C'est les personnages qui vont nous faire comprendre certaines choses. D'accord. Même si tout n'est pas, dit. Tout n'est pas dit, mais on peut avoir confiance en certains personnages. On peut, notre interprétation peut être plus ou moins orienté suivant les personnages, d'accord, suivant leurs réactions. Et tout le film joue là-dessus. Tout le film, c'est un grand film de personnages, voilà, c'est comme je dis. Et là, c'est dû à une écriture profonde et ce que ça dit aussi de l'Amérique post-Trump. Enfin, post-Trump, on est en plein dedans. Oui, quoi. C'est un film très actuel. Ça parle de la rédemption aussi. C'est un grand film. Moi qui adore l'humain au cinéma, quand ça touche au sens humain véritablement, là j'ai été servi, parce que plus qu'un thriller avec un fond politique, un western politique, tout, non, c'est vraiment un film, un drame social très poignant, très intense, avec une touche d'humour inattendue mais très efficace. Et le dernier plan, la scène de fin, je pense que elle a fait débat, clairement. Il y en a beaucoup qui m'ont dit j'ai pas aimé la conclusion. Pour moi, cette conclusion dénote du chef-d'œuvre. Le film, je sais pas encore, mais en tout cas, le dernier plan, il est logique et c'est comme ça qu'il fallait terminer cette histoire. Putain. Franchement, ça a été une claque. Je suis sorti de là, j'ai dit bravo. C'est le respect, quoi. C'est j'étais estomaqué par ce que j'avais vu, quoi. Vraiment, tant sur le plan cinématographique que sur le plan émotionnel, c'est juste magnifique. Ah oui, d'accord. Ok. Très bien. Franchement, ça me donne très envie. On va enchaîner avec un. Franchement, il faut le voir. Et puis bon, il gagnera. Bon, est-ce qu'il aura l'Oscar du meilleur film? Il a ses chances, mais Frances McDormand, c'est sûr qu'elle aura l'Oscar de la meilleure actrice. Et elle le mérite. On va parler donc d'un autre film, un autre portrait de femme qui, lui, a fait un petit peu plus débat. On va parler de In the Fade. Un film qui a été nommé à Cannes, qui a eu un prix à Cannes. Bah oui, le prix pour Diane Kruger, prix d'interprétation féminine, qui a été amplement mérité. Donc c'est un film de je ne sais plus qui. Ah parfait. Fatih Akin, je crois, un truc comme ça. Fatih Akin, c'est ça. Fatih Akin, exactement. Voilà, qui était une attente et une grosse crainte, parce qu'il est quand même précédé d'une réception critique à la limite du désastre. Et clairement. Et je suis sorti de là en me disant, en plus il a beaucoup été comparé à Three Billboards, en fait, vu que c'est encore, on est un peu dans le même thème. Les deux films se rejoignent. Dans In the Fade, c'est l'histoire d'une femme qui a perdu son mari et son fils dans un attentat. Et qui va chercher à se venger, à comprendre pourquoi, qui, pourquoi et tout. Sauf qu'on reproche à In the Fade de faire trop dans le mélo et d'être trop centré sur Diane Kruger, alors que, et là je suis totalement d'accord, dans Three Billboards, c'est une histoire de vengeance, mais les autres personnages existent. Dans In the Fade, c'est centré sur Diane Kruger. Tout passe par elle. Les autres personnages existent très peu. Finalement, toutes les émotions, tous les rebondissements, tout va jouer avec elle. Personnellement, j'y suis allé pour ça, et c'est ce que j'ai eu. Donc après, sans les comparer, je trouve qu'In the Fade reste quand même un film puissant, parce que c'est un film intelligemment construit. Il est construit en trois actes bien distincts. La première partie, c'est le deuil. La deuxième partie, c'est la justice. Et la troisième partie, je vous spoil un petit peu, c'est la vengeance. De qui, de quoi, on le sait très vite. Non, mais on le sait très vite. C'est pas, parce qu'on parle d'attentat, et par les temps qui courent, c'est vrai qu'attentat, on a on peut aller dans l'amalgame et faut pas. J'avais un peu peur de ça. Finalement, non, c'est un acte de néo-nazi. Et donc ça dit encore plus de choses sur la l'état politique actuel, pardon. Sachant que c'est un film germano-français. Exactement. Et qu'il s'agit du premier film que Diane Kruger fait dans sa langue maternelle, qui est l'allemand. Voilà. Ouais. Et du coup, ça dit beaucoup de choses parce que finalement, les actes terroristes ne sont pas propres à un seul mouvement. Une seule classe de personnes. Une seule classe, voilà. Donc, je trouve que c'est un film, entre guillemets, qui fait du bien. Ça fait du bien de rappeler qu'il y a des enfoirés partout. Il y a des néo-nazis, il y a partout. Il y a des catholiques qui sont des profonds enculés aussi. On les a vus, ils manifestent de temps en temps dans les rues pour priver les droits de certaines personnes. Voilà, donc je tape sur tout le monde. Voilà. Oui, non, mais c'est bien. Et finalement, voilà, ce film le rappelle et je trouve que si on aime Diane Kruger, il n'y a pas de raison qu'on puisse bouder ce film-là. Elle est tellement bouleversante. Alors oui, le trait est forcé, oui, elle est dans la performance, oui, elle pleure face caméra et tout, mais elle le fait bien, et je vais pas bouder mon plaisir et mes émotions en disant que j'ai été profondément bouleversé. En plus de ça, c'est pas qu'un film larmoyant, parce que la deuxième partie, qui est peut-être la partie que je préfère, parce qu'on est dans une justice, il y a des scènes de confrontation où elle a face à elle les responsables de cet attentat qui ne la regardent même pas. Il y a une froideur qui s'installe, et la troisième partie, qui est peut-être la plus démonstrative, mais en tout cas qui est nécessaire au film. Mmh. Et je trouve que ça fait un mélange plutôt homogène. Et finalement, voilà, c'est trois films en un. Qui sont bien logiques, bien découpés, bien écrits. Ouais. Franchement, j'ai pas compris la réception critique. Ça me fait penser un peu à un revenge movie genre coréen. Oui. Ouais, c'est du vigilante movie pur, quoi. Mais bon, avec une. Il y a peut-être pas aussi sanglant. Enfin, si, j'en sais rien, mais. Bah, c'est pas trop sanglant. C'est assez axé sur la psychologie. Ouais. Et plusieurs fois, moi, je me suis identifié à ce personnage. Je me suis dit si c'était moi, si vraiment je perdais des membres de ma famille comme ça et que j'étais face. Face au responsable, comment j'agirais. Et il y a des scènes où on est vraiment sous tension, on est avec elle, on vibre avec elle, et je trouve que la force de cette actrice là c'est de nous faire passer, enfin voilà, un acteur quand il fait passer les émotions, c'est qu'il a réussi son coup. En l'occurrence, c'est ce qu'elle fait, et voilà, je trouve le film, mais il ne mérite pas ces critiques assassines que je peux lire. J'y suis allé avec les plus gros a priori en me disant, mais à mon avis, je vais voir un truc épouvantable. Ouais. Finalement, bon, la première partie, j'étais là, oui, bon, c'est attendu. La deuxième partie, ça parle du procès, ça dit beaucoup de choses aussi sur le laxisme de la justice, ça dit sur. Puis moi qui aime beaucoup les procès au cinéma, là, j'étais quand même servi. Ouais, ouais. Parce que je crois que chaque partie doit durer à peu près une demi-heure, quoi. Donc, et la troisième partie, l'acte final, voilà, la finalité de tout ça, oui, il y a quelques plans un peu symboliques dont on se serait passé, qui sont un peu balourds, mais c'est pas grave parce que finalement je trouve l'ensemble plutôt maîtrisé et cohérent, on va dire agréable à regarder entre guillemets, quoi. Ok, ouais, très bien. Du coup, on passe à la suite avec oui. C'est Mise à mort du cerf sacré, il me semble. Oui, et bah allons-y, on va parler d'un chef-d'œuvre du coup. Je voulais parler de The Greatest Showman, mais non, on va parler des. Ouais. Oh, non, mais on va. Non, parlons d'un grand film, okay. S'il te plaît. Ouais. depuis le temps que je voulais le voir celui-là, je l'avais raté au cinéma pour des raisons très personnelles, parce qu'il est sorti dans une semaine très compliquée dans ma vie. Voilà, et je l'avais raté, il était resté qu'une semaine à l'affiche. Alors pourquoi je voulais le voir, je vais pas mentir, parce que j'ai une passion sans borne pour Barry Keoghan. Que je trouve absolument génial. Qui a des petits airs de ressemblance, on l'a dit déjà pour Dunkerque. C'est vrai, mais... c'est la version Leader Price de Ty Sheridan, ouais, mais Leader Price font des produits de qualité aussi. Oui. Donc, petit placement de produit, voilà. Pas comme le premier album de Louane. Je vous avais dit qu'on allait en parler. Je l'ai fait. Je l'ai cassé. Je l'ai cassé, c'est fait. Bon, non, bon, alors que j'aime bien Louane, je sais pas pourquoi j'ai parlé de Louane tout à l'heure. Enfin bref. Bon, bref. Allez. Et. Donc, Mise à mort du cerf sacré, donc le nouveau film de Yorgos Lanthimos, qui est sorti au mois de novembre, hein, je précise, oui. Que j'ai rattrapé chez moi. Il a eu un prix à Cannes, c'est le prix du scénario. Non. Prix du jury. C'est pas le film. Non. Non. Non, non. Yeah. Prix non. du scénario, prix du scénario, ex aequo avec un autre qui doit. Beautiful Day. Oui, voilà. Beautiful Day, voilà. Alors, moi, personnellement, Mise à mort du sort sacré, je lui aurais donné le prix de la mise en scène plus le prix du scénario, voire même la palme d'or. Allez, je suis généreux. Parce que c'est un peu. C'est pour ce genre de film que j'aime le cinéma. Je ne vais même pas le résumer, ça ne sert à rien. Honnêtement, non, je ne savais pas du tout de quoi ça parlait. Mm-hmm. J'y suis allé, mais. Comme ça, en faisant confiance au casting, je peux vous dire que le casting est puissant. Alors, Barry Keoghan, qu'on a vu hein, dans Dunkerque, ouais. Dont la fin, enfin, c'est dommage, je trouve c'est potentiel un peu gâché quand même dans ce film-là, faut l'avouer. C'est vrai. À la que fois, c'est, what the fuck, c'est un peu abrupt. Dunkerque est voilà, c'est très inattendu. Je me suis même demandé si c'était vrai. Hein. Ouais. Bon, on peut le dire, hein, il meurt dans le film. Hein, dans Dunkerque, en même temps, dans Dunkerque, vous imaginez à quoi c'est vrai. Voilà. Que... Et la façon dont il meurt, voilà, il se fait pousser contre. Il se cogne la tête et il meurt. Bon, bah, écoutez. Voilà. Un peu aussi what the fuck que la mort de Cotillard. Pourtant, la scène est assez. Enfin, la tension est vraiment palpable dans la scène. Donc, oui, c'est, totalement. Ouais. Et bah là, en parlant de tension, je peux vous dire que cet acteur-là, que vous pouvez trouver absolument adorable et attachant dans Dunkerque, là, je peux vous dire, va bah, vous tétaniser. Et c'est du cinéma, alors c'est un croisement entre Stanley Kubrick et Michael Haneke. Stanley Kubrick dans la réalisation, parce qu'il y a des plans qui sont forcément inspirés de Kubrick. Les champs, enfin il y a un travail sur le champ, enfin mm-hmm. la longueur des champs, ouais. les travelling, les personnages qui se baladent, enfin il y a un côté assez labyrinthique, un peu vertigineux je trouve. Il y a un contexte hospitalier dans le film sans trop en dire, les couloirs sont immense, enfin la façon dont ça joue sur la profondeur, voilà, profondeur de champ, profondeur voilà, de champ, ce que je voulais oui. dire, profondeur de champ, voilà, je cherchais mes mots, je savais qu'il y avait le perdu, et ça a l'air immense et très vertigineux, et je me suis dit, ah, on est chez Kubrick, par contre, pour l'aspect scénaristique sur, même moral, j'ai envie de dire, on est chez Haneke, clairement, parce que le film vous glace le sang, c'est un film éreintant à regarder, même qui flirte parfois avec le saugrenu. Vous rigolez un petit peu aussi, ouais. hein, même un rire très très très jaune. On se demande même si c'est sérieux finalement. Alors c'est un peu mon premier film de Yorgos Lanthimos, donc je parle vraiment en tant que c'est vraiment, comme t'en parles, ça a l'air d'être le même sentiment que j'ai ressenti quand j'ai vu The Lobster, hein, vraiment. Et Canine que j'ai envie de voir du coup. Ouais. Canine, j'ai vu aussi, ouais. Ouais, je l'ai pas vu l'air... non plus, mais ça a l'air aussi, ça a l'air excellent aussi. Bah, The Lobster, du coup, je vais le voir. Je sais qu'Eddie n'a pas du tout aimé, mais ouais. ayant adoré celui-là, vraiment, pour moi, c'est un des. Si je l'avais vu l'année dernière, il aurait été peut-être quatrième de mon top. Ouais. Il aurait devancé Mommy, il aurait devancé. Mommy. Mother, pardon. Pourquoi? Ah bah, Mommy, non, ouais, je sais pas. On est parti quelques années en arrière. Voilà, j'ai fait un bond dans le temps là. Et voilà, il aurait eu une place bien méritée dans mon top. C'est un des films les plus dingues que j'ai vu hein, cette année, enfin, parmi les films sortis en 2017. Mm. Et pourquoi ? Parce que c'est. Il y a un rapport à l'étrangeté, à la bizarrerie, même à la. Un peu à la perversité, c'est un peu malsain à regarder ce film-là, ça met mal à l'aise. Déjà dès la scène d'intro, hein, le ton est donné. Et c'est comment, c'est une histoire de famille avant tout, c'est l'implosion d'une famille, mais de la manière la plus lente et la plus douloureuse possible, et la plus dérangeante. Et Yorgos Lanthimos n'a vraiment pas peur de flirter avec le saugrenu, le grotesque par moments, comme je dis, on rigole, mais aussi parfois à vous prendre aux tripes avec des scènes, mais de tension et de malaise, mais qui vous glace le sang. C'est une expérience de cinéma anxiogène que j'avais jamais vue. Parce que parfois, quand on regarde des films, on se dit tiens, ça ressemble. Alors, dans la réal, ça ressemble à Kubrick et et aussi à Haneke. Mais par contre, je n'ai pas vu un film avec un propos similaire, avec un ressenti aussi. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film qui m'avait autant traumatisé, quoi. Mais c'est pas traumatisé, c'est pas violent. Ouais. C'est justement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites explicitement. Et c'est ça qui est perturbant, en fait. C'est un film qui perturbe. Je peux vous dire que quand je l'ai vu, j'ai pris un bain juste après. Dans mon bain, je ne pensais qu'à ce film. Parce que, en plus, j'étais même pas sûr d'avoir tout compris. J'ai dû quand même me renseigner. Ouais. Il y a quand même des trucs qui. Et effectivement, faut être. Voilà, je vais vous donner un petit coup de pouce. Si vous êtes passionné de mythologie grecque, ce sera un plus. C'est d'après ce que j'ai compris, ça a l'air d'être de se baser sur un mythe grec, voilà. Sur un mythe grec, voilà. Donc moi, j'ai un ami qui fait ses études là-dedans, Jordan, si tu m'écoutes, qui m'a expliqué tout ça et qui a vu le film, qui a détesté pour le coup. Ouais. Celui qui a dit que c'était prétentieux, qui a dit que ça servait à rien, que ça avait aucune. Alors que moi, oui, voilà, c'est le cinéma de sensoriel à mort, des émotions, mais les plus bizarre possible, mais vraiment c'est un film bizarre, il y a pas d'autre mot. C'est un peu primaire de dire ça, mais non, c'est mais bizarre. C'est, voilà, et c'est les films qu'on adore ici. Oui, mais clairement, je le conseillerais pas à Eddie. Oui, non, voilà, clairement. Ouais. Eddie, si t'as pas aimé The Lobster, en tout cas, nous deux, on aime bien les films. Mais je pense que toi, Axel, tu peux foncer les yeux fermés. Hein. En tout cas, c'est un film majeur dans ce qui est sorti au cinéma l'année dernière. Ouais. Et les acteurs sont, mais comme je dis, Barry Keoghan, mais Colin Farrell. Ça faisait longtemps que j'avais. Bah, c'est sûr que c'est mieux que les Animaux Fantastiques, hein. Et Nicole Kidman. D'ailleurs, les deux étaient dans Les Proies aussi de Coppola, qui était aussi nommé, qui a eu le prix de la mise en scène. Mais comme je dis, j'aurais donné le prix de la mise en scène sans problème, parce qu'il y a vraiment des plans qui sont. Et ça fait peur aussi. Là, ce que j'oublie aussi de préciser, c'est un film qui fout les jetons. J'étais tout seul quand je l'ai vu. Il y a un jeu sur le son. C'est Hitchcockien aussi. Il y a l'utilisation de la musique, il y a l'ambiance pesante. Enfin, tout ce mélange et fait un film à la hybride et totalement authentique. Ouais. C'est une expérience glaçante. Mais vraiment, vous n'êtes pas prêts. Et plus jamais vous regarderez un plat de spaghetti de la même façon. Vraiment. Très bien. Et puis, je vais me vanter. J'ai fait un tweet. Je parle pas anglais. Hein, merci Google Traduction. J'ai fait un tweet en anglais pour Barry Keoghan. Il m'a retweeté. Voilà. Ouais. Oui, 10 minutes après que j'ai vu le film, j'ai tweeté. Hein. Franchement, ça c'est cool. Voilà. Ouais, ouais. Non, voilà. Donc, voilà. Mise à mort du cerf sacré. Morgan vous le conseille énormément. Moi, oui, franchement, par l'intérêt. Mais soyez avertis. Hein, c'est pas. Oui, enfin voilà. Faut être prévenu, faut savoir ce qu'on va regarder, mais en tout cas, moi personnellement, je suis très impatient de le voir et il n'attend que d'être vu. Voilà, il est bien au chaud. Et voilà, donc on va passer à la suite avec Lost City of Z, qui est aussi un rattrapage pour moi et que j'ai vu à l'occasion du festival Télérama. Qui est passé dans. Voilà, ils ont passé plein de films, il y avait 120 battements par minute, tout ça. Mm-hmm. Et je n'avais pas vu The Lost City of Z à l'époque. Pourquoi ? Parce que ça ne m'intéressait pas. Voilà, je n'avais pas envie de le voir parce que. En plus, il était précédé quand même d'une réception critique pour le coup assez dithyrambique, voire unanime. On parlait de chef-d'œuvre, on parlait de. Alors, je ne vais pas dire que c'est un chef-d'œuvre hein, direct, mais en tout cas, c'est un immense film. Et voilà, j'aime bien aller au cinéma en me disant. J'ai peur de pas aimer, je pense ne pas aimer et je suis sorti assez conquis. Donc on est dans un film d'exploration, c'est un film d'aventure d'exploration. Alors au niveau du rythme, on se rapproche plus d'un Terrence Malick que d'un Indiana Jones. Hein. C'est un film de James Gray du coup. Mais d'ailleurs, en sortant de ce film-là, je me suis dit, mais pourquoi ce film n'a pas été nommé aux Oscars ? Alors à la fois c'est incompréhensible tellement il y a des choses abouties dans ce film-là et qui sont, je pense, en termes de cinéma ultime, sur l'ambiance, sur la mise en scène, mais c'est aussi assez, ça a contre-pied avec la mouvance des films à Oscar habituels ou même des blockbusters, parce que c'est pas un blockbuster, hein, même si... l'affiche ça fait un peu ça fait blockbuster alors que ça, enfin des images que j'ai vues personnellement ça a l'air d'être plutôt comme t'as dit un film d'aventure mais c'est quand même très très calme on est chez James Gray hein. Et qui apparemment de ce que j'ai vu quelques images de making of, ça a été assez beaucoup tourné en milieu naturel. Ah bah ça se voit totalement, et là pour le coup c'est absolument magnifique à regarder. C'est une histoire vraie, hein. C'est l'histoire vraie d'un explorateur du 20e siècle, je crois qu'il s'appelait Percy Fawcett, qui convoitait une mystérieuse cité, pas la mystérieuse cité d'or, c'est la fameuse cité de Z, voilà, où cet aventurier-là qui était déterminé à vouloir trouver, même s'il était en échec, il repartait, c'est quelqu'un qui avait soif d'aventure, et c'est ça qui m'a plu dans ce film-là, c'est ce portrait de cet homme déterminé, c'est la foi profonde avec laquelle ce personnage s'en va dans des péripéties un peu dangereuses et aussi très poétiques et on va dire très enrichissante pour lui, alors que non seulement il pense qu'à sa... Enfin, il pense pas qu'à... il pense pas qu'à lui, mais il est déterminé, il est obsédé par ça, et en même temps il y a sa famille à côté, comment cette obsession de l'aventure peut interférer avec, peut influer sur les rapports familiaux. Il y a des rapports conflictuels qui vont s'installer avec un de ses fils, qui sera joué par Tom Holland quand il sera plus adulte, qui est d'ailleurs excellent. Mais alors lui, Tom Holland est un putain d'acteur, hein, vraiment. Mm. Faut le dire, c'est pas que Spider-Man. Maintenant il est un peu, malheureusement, voilà. Mais ouais. C'est vrai que c'était bien la même année qu'il y a eu ce film-là, le Studio Z a moins été vu. Mais en tout cas, même s'il a moins été vu, il a quand même été bien reçu, parce que c'est vrai qu'il est dans les tops de beaucoup de personnes. Il n'aurait pas été dans le mien, hein, non, ça, le film de Lanthimos d'abord. Mm. Mais en tout cas, c'est un magnifique film qui mise tout sur le propos plus que sur le spectacle. Donc ça, faut bien être préparé. C'est très lent, je vais pas vous mentir, les 2h20 je les ai vus passer, mais c'est une lenteur qui est utile parce qu'elle développe justement la psychologie de ce personnage et va amener tout ce qu'il y a d'important dans le film en matière d'enjeu. Savoir que l'enjeu dans ce film là c'est pas forcément l'aventure, même s'il y a 2-3 scènes d'action qui se battent en duel, mais c'est comment ce personnage là va devoir affronter son destin, enfin quelle destinée il va avoir, jusqu'où il va aller, jusqu'à quel point il est déterminé, à quel prix surtout. Et j'ai oublié de dire qu'il y a aussi Robert Pattinson qui, comme Kristen Stewart, hein, vraiment ces deux acteurs qui se sont totalement démarqués de leur rôle star, on va dire. Ouais. Contrairement à une certaine Emma Watson qui patauge toujours dans la semoule, mais elle a fait pas d'effort, j'ai envie de dire. Non, c'est bête à dire, mais bon, voilà, Kristen Stewart y arrive. Alors après, peut-être que Twilight c'est moins iconique qu'Harry Potter, c'est peut-être moins marqué dans la culture populaire. Mais bon. Quand on veut, on peut. Voilà ce que je dis. Et donc, le film de James Gray, c'est un petit contre-pied à tous les blockbusters qui sortent cette année, qui sortent sur nos écrans. C'est un film d'auteur, mais à la fois avec une petite veine de blockbuster. Il y a une sensibilité qui a une douceur et le goût de l'aventure du spectacle, mais c'est un spectacle qui est d'une sobriété à tous les niveaux. Comme je dis, vous ne verrez pas de grosses scènes d'action à la Indiana Jones, il n'y aura pas des éboulements de rochers, il n'y aura pas l'acteur Charlie Hunnam qui va courir avec son... Non, il n'y aura pas de ça, c'est juste un film sur la foi. Donc c'est pour ça que je fais un rapprochement avec le cinéma de Terrence Malick et par ailleurs le dernier plan du film. Je crois que vous pouvez avoir toutes les réserves du monde sur le film, mais alors le dernier plan vous fait tout revoir. Le dernier plan est peut-être le plan final le plus beau de 2017. J'ai cru que t'allais dire du cinéma, j'avais peur. Un des plus beaux de l'histoire du cinéma. Ah ouais, mais oui, autant le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais ce plan final là, franchement, est tellement marquant et tellement évocateur. Enfin, c'est ça aussi, c'est un film qui évoque beaucoup de choses, c'est un film qui est dans l'évocation, et ce plan final, on se dit, ok, d'accord. Ça veut tellement dire, il y a 20 000 sens symboliques sur ce plan-là, et je pense que si vous aimez l'analyse, vous allez vraiment vous faire plaisir. Donc, mais ce plan final-là vous fait, même si vous vous dites, c'est un peu long, c'est ce que j'ai ressenti, et quand j'ai eu le dernier plan, je dis, ok, bon. Là, la lenteur. Une fin qui te marque, ça sauve un film. Ah ouais, mais la fin, le dernier plan. Puis même en termes de couleurs, il y a un jeu des couleurs qui est dingue. Et ce plan final, je vais pas spoiler, même si bon, pratiquement peu de gens l'ont vu. Mais toi, tu sais pas si tu l'as vu. Non, je l'ai pas vu justement. C'est pour ça que je serais permis d'intervenir. Oui, c'est parce qu'il me semblait. Bizarrement, il est curieux. Il est curieux. Il est silencieux. Moi, je suis curieux. J'ai envie de tout voir, mais j'ai pas le temps. Le Lanthimos. Non, mais voilà, j'ai des beaux rattrapages et franchement, le James Gray est un film sublime. Ouais. Et regardez-le. D'ailleurs, je suis en train de juste pour finir sur ce film. J'étais en train de regarder la page Wikipédia et je suis tombé sur une anecdote assez marrante. C'est avant de se lancer dans la production du film, James Gray a écrit à Francis Ford Coppola, donc bien sûr réalisateur d'Apocalypse Now, pour lui demander des conseils pour un tournage dans la jungle, et ce dernier lui a répondu juste par deux mots: don't go, ou n'y va pas. Voilà. donc voilà. Passons à la suite avec. Moi, c'est ce que je me dis quand je vois qu'un film de Francis Ford Coppola est passé à la télé. Non, j'ai du mal avec le cinéma de Coppola. Non, j'avoue. Mais je comprends. Mais moi, je suis absolument fan et j'ai revu encore il y a pas longtemps Apocalypse Now. C'est une merveille absolue, ce film. Bref, passons à. Un film apparemment qui n'est pas une merveille. et le dernier film de la Selec, c'est The Greatest Showman. Donc, des affiches partout, de la pub à non plus, enfin à s'en crever les yeux vraiment. Même, enfin vraiment, on pouvait pas échapper à la campagne publicitaire de ce film. Et du coup, tu es allé le voir et ben vas-y, je t'en prie, tu peux nous donner ton avis. Alors, je suis un fan de comédie musicale, hein. J'adore les comédies musicales, il n'y a pas de problème. Je me réjouis toujours d'aller voir une comédie musicale sans écouter la BO avant. Mm-hmm. Oui, je pense que si je l'avais fait, ça aurait... C'est important. Et je pense que si je l'avais fait, ça aurait été fatal. Enfin, je crois que la déception aurait été encore plus grande parce que la BO de ce film-là est exceptionnelle. Mm. On se le dit maintenant, c'est un film que vous pouvez écouter en boucle. Il y a encore des chansons que j'écoute aujourd'hui. Par contre, un film, c'est visuel. Alors, autant ça s'écoute, mais c'est juste pas regardable. Mm-hmm. Enfin, je trouve. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans un espèce de... Bah, pour moi, c'est l'anti-comédie musicale en mesure... Oui, ça chante. Ouais. Ça chante. Ça chante, ça danse, ça se dit passe-moi le sel en poussant quelques notes. Oui. Est-ce que ça passe de moment chanté à moment parlé ou c'est tout en chant? Ce qui est une grosse différence. Non, ça parle beaucoup parce que c'est l'histoire vraie de Barnum, donc le fondateur, celui qui a inventé le cirque, on va dire. Ouais. Donc c'est un visionnaire, hein, qui a reboosté le monde du spectacle, voilà, qui galérait et tout, et qui s'est dit tiens, on va mettre en scène des personnes atypiques, mm-hmm. Avec des particularités physiques assez marquées, oui. Des nains, des moches, freaks, des obèses, voilà, des freaks, voilà. Donc, je pense que ce mec-là, il serait sur Twitter aujourd'hui, il se ferait lyncher pour discrimination. Exploitation. Ah bah, pour le coup, oui, hein, parce que moralement, bon, il est un peu vu comme angélique, mais bon, c'est quand même l'histoire d'un mec qui a quand même engagé des gens pour que les gens donnent de l'argent pour qu'on se foute de leur gueule. Enfin, clairement, c'est ça. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Après, c'est vrai qu'à cette époque, c'était soit ça, enfin, même peut-être maintenant, pour les gens qui ont ce genre de difformité, il n'y a pas... Enfin... c'est mieux, mais à l'époque, c'est soit on te brûlait sur un bûcher, soit t'acceptais de faire ça. Je pense que entre les deux. Là, je vais faire un petit parallèle tout bête, mais bon, à l'époque, les gens étaient très moqueurs. Enfin, oui. Aujourd'hui, si vous voyez la vidéo sur internet d'une personne trisomique qui se fait malmener, je peux vous dire dans les commentaires, il y a beaucoup de gens indignés, donc non, attention, c'est pas. Voilà, je sais que il y a des cons partout, mais. Globalement, il y a une certaine bienveillance sur les réseaux sociaux. Les gens, quand même, veillent, n'aiment pas trop la discrimination. C'est clair, on l'a bien vu sur Twitter. Hein, même la moindre vanne de second degré est très mal vue. Degré est très mal vu. Le second degré n'existe pas sur Twitter. Non, vous ne pouvez pas. D'ailleurs, je me suis. Alors, petite question qui n'a rien à voir. Parce que le personnage, le gars s'appelle Barnum. Mais est-ce que ça vient de là l'expression arrête ton Barnum? C'est vraiment possible. Hein. Je vais faire mes recherches internet. Bah, parce que arrête ton cirque, arrête ton Barnum, ton bordel et tout. Et comme c'est un bordel, voilà. Par contre, casting de luxe, on va dire. Hein, Hugh Jackman qui confirme, parce que c'est un acteur de Broadway avant d'être Wolverine. Hein, et c'est un film qui lui tenait à cœur. Hein. Mm-hmm. Ça se voit, il est producteur, je crois, du film. Il chante parfaitement bien, il danse bien. Oui, tout le monde est bien. C'est un acteur. De Broadway à la base. Hein. Oui, c'est un acteur de Broadway à la base, donc il a en termes de voix, il est très bon. Ouais. Et encore une fois, les chansons sont très bien. Le problème, c'est que toute cette morale sur le vivre ensemble, la tolérance, tout ça, elle est aussi profonde qu'un épisode d'High School Musical sur Disney Channel. C'est le problème que j'ai avec ce film-là, c'est d'une niaiserie absolument épouvantable. Alors j'aime bien la niaiserie au cinéma, mais bon, au bout d'un moment, c'est tellement niais, tellement sirupeux, bardé dessus que vous sortez de là avec une crise de foi, mais violente. Mm. Et en fait, il reste quoi? Bah, à part la BO, à part les acteurs qui s'en sortent pas trop mal, même les numéros, même les chorégraphies, ça ressemble plus à un numéro d'Eurovision en Tchécoslovaquie qu'à un gros truc de Broadway. Franchement, avec des jeux de lumière qui sont un petit peu limites. Ouais. Alors oui, ça se passe dans un cirque et tout, mais il y avait autre chose à faire, je pense. Parce que le cirque, ça peut, voilà, c'est un peu la folie et tout. Il y avait beaucoup de choses à mettre à l'écran, parfois ça joue minimaliste avec juste deux personnages qui dansent et puis toutes les lumières sont éteintes, il y a juste deux rétroprojecteurs sur eux et tout. Oui, ça veut se la jouer comme ça, mais au bout d'un moment, non, fallait y aller, quoi. C'est même pas spectaculaire. Moi, j'attends d'une comédie musicale que ça m'emporte, que ça m'emballe et que les chansons aident à me faire comprendre les personnages, que là, les chansons, c'est juste un peu un étalage à la suite. C'est, encore une fois, c'est écoutable. Mais ça manque de personnages et les enjeux sont totalement c'est totalement étouffé par cette niaiserie et ce visuellement, c'est quand même pas terrible quoi. Il y a une utilisation du numérique qui est assez grossière et vraiment très moche à regarder. Il y a des fonds verts, des incrustations qui sont pas terribles, qui piquent les yeux. Il reste quoi? Mais non, le scénario est d'une indigence folle, c'est niais, c'est creux, il n'y a pas d'émotion, ça veut trop en faire, donc ça tend vers le pathos. Au bout d'un moment, c'est un peu relou. Donc non, ben voilà, comédie musicale, j'adore, mais alors ça, c'est vraiment tout. C'est l'anti-comédie musicale. Et pourtant, ça se veut comme un gros spectacle, quoi. Il ouais. y avait une promesse de spectacle, ça devait en envoyer du lourd. Il y avait des promesses, et je sors de là en me disant, mais putain, mais c'est épouvantable. Mais j'ai souffert, quoi. Et c'est dommage parce que la BO est magnifique. Je l'écoute encore aujourd'hui, regardez-le, mais ne le voyez pas, c'est pas bon du tout. Et pourtant, voilà. je finis un truc sur The Greatest Showman, ça a été écrit en partie par Bill Condon, qui est quand même scénariste de Chicago, qui est une des plus grandes comédies musicales. Oui, voilà. C'est vrai, qui est aussi le réalisateur de La Belle et la Bête. Moi, donc j'ai bien ça aimé. Veut tout dire. Oui, mais voilà. Bon. Mais j'adore Chicago. Chicago, c'était super. Ouais, Chicago en plus, il y avait une idée excellente que toutes les numéros musicaux c'était fantasmé et ça aidait. Il y a une scène en Chicago que j'adore, c'est la présentation de la mama qui est jouée par Queen Latifah. C'est un numéro de cabaret où elle se présente. Et c'est la présentation du personnage. La scène est géniale, c'est fou. Il y a un côté burlesque, cabaret et tout. Ça, c'est super. Il y a une plus-value, il y a une valeur ajoutée. Que là, une comédie musicale, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée dans les musiques. Ouais. Il faut que quand la musique se termine, on se dise j'ai compris. Ça amorce un enjeu, ça amorce une psychologie du personnage. Comme La La Land. Ouais. La La Land, voilà, bon, qui est une comédie musicale sans en être vraiment une, c'est un peu plus compliqué. Comme Chantons sous la pluie, par exemple. Chantons sous la pluie, tu l'as vu, quoi, oh, j'espère. Oui, non, attends, c'est mes films préférés. Chantons sous la pluie, voilà, ça peut être bête dit comme ça, mais c'est un film qui fait. Enfin, chaque scène fait avancer le schmilblick. Il faut le faire avant demain matin, mais on est demain matin. Oh, bah regardez, il y a le soleil. Oh, good morning. Bah, c'est génial. Ouais. On sait qu'on est le matin, on sait qu'ils ont du pain sur la planche et ils vont y aller. On comprend, il y a des enjeux. Que là, non, là, il n'y a pas d'enjeu. Ouais. C'est genre, un nouveau personnage, présente-toi. Et je m'appelle. Ok, oui, tu danses bien, oui, tu chantes bien, c'est mais. C'est vraiment le cliché non. de la comédie musicale. Voilà, c'est le cliché. Ouais. Voilà. Même dans la façon dont. Parce qu'il y a aussi un truc qui peut être assez gênant dans certains films, dans des comédies musicales ratées, c'est quand tu as un personnage qui chante et que tu as un autre personnage qui l'écoute. Et du coup, c'est trop surjoué. Enfin, là, il y a vraiment ce côté. Alors, je dis pas ça parce qu'il y a Zac Efron, hein, qui est excellent dans le film, et pas qu'au niveau acteur d'ailleurs. Qui. Voilà, je me suis dit, c'est Disney Channel, quoi. Je trouve ça aussi profond qu'un High School Musical. C'est un High School Musical reboot. Enfin, je sais pas, Non, franchement, je trouvais ça. Je me suis ennuyé en plus. Ouais. Déçu. D'accord. Très bien. Voilà. Ok, bon, bah voilà. Vous avez l'avis sur The Greatest Showman. Donc voilà, on a fini avec la Selec. Du coup, on va passer tout de suite au film du mois. On est donc à la rubrique du film du mois et comme on l'a dit dans le sommaire, on va parler de Pentagon Papers, le titre français, bizarrement, ou The Post en anglais, voilà, puisque ça parle principalement du Washington Post, qui est un des plus gros journaux aux États-Unis. Ça parle de l'histoire du Washington Post, pardon. Donc je sais pas pourquoi ils ont décidé de changer le titre en français, surtout qu'il est plus compliqué, je pense, à dire pour des francophones Pentagon Papers que The Post. Voilà, bref, il y a pas trop de logique. Donc film de comment on l'a dit, les gens disent Pentagon Papier. Voilà, ouais. Je l'ai entendu, hein. Ah oui. Ah punaise, ah, ça me fait rire, ça, c'est excellent. Réalisation Steven Spielberg, bien sûr. Il nous revient après une année sabbatique en 2017, mais il a travaillé comme un fou, puisqu'il nous sort ce film et dans un mois à peu près, il nous sort un deuxième film. Donc voilà. Dans un mois. C'est un mois. La France va vibrer. c'est début mars, il me semble, si je ne me trompe pas. 13 mars, je crois, non ? Ouais, c'est possible. Non. 24 mars. Ok, un truc comme bon, ça. Voilà, bon, c'est à peu près un mois. Voilà, oui, à peu près. Mais après, on a attendu pendant un an un nouveau Spielberg, on va bien pouvoir patienter 28. Un peu plus. 28 mars. Tu peux faire un décompte à partir... tu vas faire un décompte sur les réseaux sociaux. Obligatoire. Ma grosse attente de l'année, forcément, dit Player One. Bah, des promesses. Donc, Pentagon Papers, je vais utiliser le titre français. Scénario par Liz Hanna et Josh Singer. Donc, Liz Hanna, c'est son tout premier scénario. Commencer à faire scénario professionnel, bien sûr, mais commencer en tant que sur un Spielberg et surtout être nominée dans le Golden Globe. Elle a été nominée, elle n'a pas reçu, mais elle a quand même été nominée pour son premier script professionnel. Alors, je vais enculer les mouches, on ne dit pas nominée, ça n'existe pas, c'est nommée. Nommée, pardon. Ouais, elle est nommée. Non, mais c'est très bien, c'est très bien que tu me corriges parce que je déteste quand je dis ça et pourtant je le dis tout le temps. Voilà. J'arrive pas à me l'enlever de la tête. Mais bref. Je suis là pour ça. Non, mais c'est très bien. Mais si ça te plairait pas, ce serait pareil. Y a aussi, co-scénarisé, Josh Singer, donc, qui a entre autres scénarisé Spotlight. Il a fait des épisodes de West Wing et il va s'occuper du scénario de First Man, le prochain film de Damien Chazelle. Voilà. Sorti aux États-Unis le 12 janvier 2018, le 24 janvier 2018 en France. On retrouve au casting une ribambelle de personnes. Mais principalement... Les deux meilleurs acteurs du monde dans leur sexe respectif, je pense. Je dirais américain. On va pas dire du monde, parce qu'on connaît pas tous les acteurs. Mais vraiment, ce qu'on fait, on va dire, de plus iconique dans le cinéma américain, Meryl Streep, elle est... Voilà, c'est un peu... Voilà. C'est un pilier, bien sûr. Mais bon. Tom Hanks, c'est mon acteur préféré de tous les temps, ça, oui. Après, ils sont pas à l'abri d'avoir fait des mauvais films. Hein. Je tiens à signaler parce que je sais que tu aimes bien Mamma Mia, mais pour moi, c'est pas possible, quoi. Je l'aime bien en tant que plaisir coupable, enfin pas plaisir coupable, mais c'est un plaisir. Tout est mauvais, mais j'adore. Ouais. Il y a rien qui va dans ce film, mais j'aime bien. Et moi, je peux pas. J'arrive pas. Donc mais voilà. Pierce Brosnan qui chante trop bien avec sa voix de chèvre et tout, c'est trop bien. T'as James Bond qui se met à chanter. c'est super bien. J'adore. On en parlera. Le 2 débarque par contre, mais alors le 2 a l'air d'être une merde. C'est vrai qu'il y a le 2 qui va sortir cette année, il me semble en plus. Ouais. Donc voilà, un film que je n'irai pas voir. Je le dis tout de suite. Meryl Streep, Tom Hanks dans les rôles principaux. Il y a Sarah Paulson, Bob Odenkirk qu'on connaît pour avoir joué Saul Goodman dans Breaking Bad, je suis obligé de le dire. Voilà. Tracy Letts, Bradley Whitford, Bruce Greenwood, Matthew Rhys, Alison Brie, Carrie Coon, Jesse Plemons, David Cross, Zach Woods, Pat Healy. Voilà pour les rôles principaux. Donc, ça parle du... Le film est inspiré de faits authentiques, de véritables faits qui se sont passés dans les années 70. Les Pentagon Papers, c'était des papiers, des documents faits par le département de la défense des États-Unis concernant la guerre du Vietnam, donc de 45 à... Enfin, le papier s'appelait « Relations entre les États-Unis et le Vietnam 1945-1967 ». Donc voilà, soit plus de 7000 pages top secrètes qui dévoilaient l'implication politique et militaire des États-Unis dans la guerre du Vietnam de 1955 à 1975. Voilà. Donc ça a été un des plus gros... Enfin, c'était un des premiers scoops de l'histoire du journalisme américain au début des années 70. Ça a marqué beaucoup de monde. je crois que j'ai à peu près tout dit. On parle principalement, comme je l'avais dit, du Washington Post, de son début d'entreprise familiale et locale à sa montée jusqu'à la réputation qu'on lui connaît maintenant, donc de journal international quasiment. Donc voilà, c'est j'ai à peu près résumé le scénario, je vais pas tout vous raconter non plus. Donc voilà. Et musique John Williams, j'ai oublié de dire, mais c'est quand même important, je pense. Bon, c'est un peu attendu, hein. C'est attendu, mais pourtant... John Williams, Spielberg, bon. Bah. Oui, mais bon, après, il part... Mais c'est très bien. Ah bah attends, je ne critique pas, au contraire, très bien. Ouf, ouais, non, c'est vraiment excellent. Donc voilà. Morgan, que oui. As-tu pensé de Pentagon Papers? Mais que du bon. Que du bon, encore une fois, merci Spielberg, merci pour ta maîtrise, merci pour ton humanisme, merci pour ton respect, pour ton amour du cinéma, pour ton amour des acteurs, pour ton amour de la vie, pour moi je crois qu'il m'aime aussi, quoi. Enfin, franchement, je m'inclus dedans. Non, mais quand tu vas voir un Spielberg, tu sors de là, tu te sens bien, tu te sens comme une merde parce que tu n'auras jamais 5% de son talent. Oui, mais... ouais, c'est clair, et tu te dis putain, mais ça fait combien de temps que j'ai pas vu un film aussi bien réalisé? déjà, alors voilà, en termes de réalisation et d'ambition. Et ce qui est assez fascinant à se dire, oui. Pas la formule, mais bref, oui, c'est pas grave. Voilà, c'est de se dire qu'il y en a beaucoup qui disent oui, c'est un film quand même qui critique Trump quelque part. Alors que ça fait des années, donc avant que Trump fasse sa petite montée et soit élu, que Spielberg avait ça en chantier. Donc ça veut dire quand même que Spielberg est quelque part un espèce de visionnaire, quoi. Il le sort en bon moment. C'est un film qu'on peut évidemment analyser en se disant c'est un film qui derrière son discours sur la liberté de la presse critique en même temps la politique de Trump. Or pas du tout, enfin c'est pas pour ça que le film a été fait de base, parce que le film est en chantier depuis un moment, mais c'est une grille de lecture supplémentaire qui est intéressante et qui amène à ce film une autre couche de profondeur et d'ambition et même d'audace, parce que franchement faut le faire quand même, enfin, parce que Spielberg est quand même c'est un réalisateur très populaire, qui peut, je pense, être c'est pour moi le seul qui arrive à amener au cinéma des cinéphiles très pointus et le grand public, on va dire lambda, c'est à dire qu'un film comme Tintin ça c'est bouleversant d'un point de vue technique. Mais après, comme film d'aventure, moi, si j'ai un cousin de 10 ans qui veut voir un film, je le mets devant Tintin et je lui dis bah éclate-toi. Hein. Moi, je m'éclate avec lui pour des raisons différentes. Donc Spielberg parle à tout le monde. Alors ce film-là, je pense, est un peu plus confidentiel. J'ai envie de dire, je le range plus au niveau de Munich, au niveau de Lincoln. Enfin, même si Lincoln c'était un peu plus large quand même. Mais je le mets même pas encore au niveau du Pont des Espions. Je pense qu'on est dans un Spielberg très politisé. Donc ça plaira qu'à ceux qui ont envie que Spielberg leur parle de politique. C'est vrai que c'est pas du grand spectacle, c'est pas spectaculaire du tout. Pour ça, il y a Ready Player One qui arrive. Mais en tout cas, quel grand film sur ce cri d'amour pour la démocratie m'a totalement bouleversé pour liberté de la presse et de l'homme, tout simplement. La liberté de ses choix, de dire oui, de dire non. Et c'est surtout l'occasion pour Meryl Streep, une fois de plus, déjà d'être nommée aux Oscars. Aux Oscars pour la 3000ème fois. Mais un jour, elle fera Winnie l'ourson en motion capture, elle sera quand même nommée. Ouais, ouais. Même quand t'as fait pas de film, on la nomme quand même. Meryl Streep, parce qu'elle a fait une mayonnaise dans sa cuisine, elle a été géniale, bah vas-y, on la nomme. Non mais oui, Meryl Streep, de toute façon, voilà. Et donc, c'est cette confrontation entre le personnage de Meryl Streep et de Tom Hanks. Catherine Graham, elle me semble, je crois. Catherine Graham, ouais. Et Benjamin Bradley. Et bah, cette confrontation entre ces deux personnages qui ont une vision des choses totalement différente et qui vont réussir, comme dans Three Billboards, je disais, c'est les personnages qui vont se comprendre, qui vont se trouver des intérêts communs et se dire finalement, on va pas être en conflit en permanence, on peut gagner ensemble, et c'est vraiment un film sur cette solidarité, cette fraternité, cette cohésion. Et le film en plus repose sur le scénario de ce film-là repose sur une question, on publie ou on publie pas. Et de cette petite question totalement insignifiante, Spielberg arrive à monter ça en suspense, à faire des grades de tension quand même dans le film, jusqu'à ce que j'appelle un climax final, mais où il y a 1000 idées à la seconde. C'est-à-dire que... Enfin, c'est même pas un spoil. Oui, ils ont publié. Enfin, voilà, c'est un spoil historique, on va dire. C'est un spoil historique, voilà. Ils ont publié, mais au moment où Meryl Streep dit « on publie », cette scène-là, il n'y a pas une note de musique, il n'y a pas un plan iconique, mais il y a une... On est là, on vibre. Ouais. Et ce qui suit après, ce bureau qui tremble et tout, parce que c'est un espèce de gigantesque tremblement de terre et tout, enfin tout, c'est hallucinant comment une scène d'imprimerie, on va dire, qui pourrait être totalement anecdotique chez un autre réalisateur, bah, chez Spielberg, c'est un maestriade de virtuosité. Mmh. Et ce film-là, d'ailleurs, ça pourrait être, c'est un petit film pour lui. Hein. C'est incroyable de se dire ça. C'est un tout petit film. Ouais. Un petit film pour Spielberg, c'est un film somme pour n'importe quel réalisateur qui souhaiterait percer. Bon, quelqu'un qui débute dans le cinéma, il a envie qu'à la fin de sa carrière, il ait fait un film de cette veine-là. Pour Spielberg, c'est juste un film qui sort comme ça avant un autre film bourré de promesses et d'ambitions qui arrive 2 mois plus tard. Mm. Donc c'est quand même que Spielberg a quand même... voilà, moi je considère que c'est le plus grand. Il a cet amour du cinéma qui ne faiblit pas et cet amour de l'humain. Et je trouve que autant Lincoln, Cheval de guerre, bon, j'aime bien, mais un peu moins. Là, franchement, depuis Le Pont des Espions, on a un Spielberg qui s'affirme un peu plus, parce que Le Pont des Espions, il y avait aussi un propos politique qui était très fort. Mm-hmm. Là aussi, et en plus, c'est un propos politique qui est assez universel, limite intemporel, parce que comme j'ai dit, ça se passe c'est d'époque, mais en même temps, on peut aussi trouver que c'est un discours très actuel. Plus que jamais d'actualité. C'est d'ailleurs une question qu'on lui a beaucoup posée dans les interviews. Est-ce que vous pensez que ce film-là est aussi une mise en garde contre la presse qui parfois a tendance à censurer? Et clairement, même sans trop répondre frontalement, mais il a clairement donné raison. Et oui, parce qu'aujourd'hui, la presse est un peu contrôlée. Il y a des lignes éditoriales qui sont précises où le moindre mot polémique peut faire tomber. Et là... cette liberté totale fait du bien. D'un ça côté comme dans l'autre. Hein. D'un côté Exactement. Comme de l'autre. Voilà. C'est clairement. Et là, cette liberté cette liberté qu'il prône, bah, je trouve qu'elle est bouleversante. Et sur le plan cinématographique, il y a ces scènes de dialogue, ces scènes de bureau. Mmh. J'ai trouvé ça passionnant à regarder. Et j'ai vraiment vécu ça avec eux, ce suspense. Comme dans Spotlight, parce que moi, le journalisme, c'est un milieu qui me fascine. Ouais. C'est un rêve pour moi d'être journaliste. Ouais. Et c'est vrai que de voir ces hommes qui sont à l'affût du moindre détail, c'est assez impressionnant. En fait, c'est impressionnant avec des choses simples, des feuilles par terre, éparpillées par terre. Enfin, on pourrait... Enfin, vraiment, la maison, elle est envahie de papier, de... Oui, c'est impressionnant. On se dit c'est inhumain parce que il faut qu'ils lisent un nombre incalculable de papiers qui sont dans le désordre et qui rendent un papier dans les 2-3 heures, quelque chose comme ça. Donc, ça rend la tâche inhumaine et impressionnante quand on voit à l'action et surtout via le prisme de Spielberg, ça rend le truc magnifique, quoi. Oui, totalement. Et cette universalité du propos et cette maîtrise du cinéma, enfin moi voilà, j'ai trouvé que c'était important pour ce que ça raconte et passionnant d'un point de vue historique, parce que moi je connaissais pas du tout. Et là on parlait encore de plan final, le dernier plan. C'est très bien. C'est vraiment là pour le coup. C'est bien. C'est bizarre pour un Spielberg de finir sur un cliffhanger. comme s'il avait déjà prévu une suite à ce film. Mais ce que j'aime bien, c'est la réaction dans la salle. Parce que moi, j'avais compris les réactions. Les gens dans la salle étaient là. Oh bah oui. C'était assez. Voilà. Oui. Mais en tout cas, voilà. Un Spielberg. Est-ce que c'est majeur dans sa filmo? Peut-être dans le propos, peut-être. Mais en tout cas, ça va être un des films majeurs de l'année. Ça, vous ah oui, non, mais c'est clair. Ouais. Franchement, c'est. Très grand film. Ouais, c'est. Là, il envoie lourd dès le début. C'est vraiment assez impressionnant. Moi, j'ai adoré. comment ne pas continuer sur les propos de Morgan? Ce que j'ai adoré. J'ai adoré tellement de trucs dans ce film. On débute avec une scène au Vietnam. Et il nous montre aussi tout son talent qu'il n'a pas perdu depuis Il faut sauver le soldat Ryan dans les scènes de bataille. Et là, c'est vraiment assez impressionnant et assez traumatisant, surtout que la guerre du Vietnam, c'était souvent des embuscades et des choses comme ça dans la forêt, dans la jungle. Et là, c'est filmé vraiment avec une grande virtuosité et on comprend tout, même si la caméra bouge bouge un peu dans tous les sens, mais pourtant on arrive à suivre l'action et on n'est jamais perdu, et ça c'est vraiment super. C'est une petite scène, mais pourtant ça donne vraiment un ton au début du film, voilà. Ensuite, moi c'est comme toi Morgan, je suis passionné par le milieu du journalisme. C'est un truc que j'adore voir au cinéma. Et que je pense véritablement que tu disais que c'était un cri d'amour pour la démocratie, et d'ailleurs le Washington Post a son slogan actuel, c'est la démocratie meurt Democracy dies into darkness, j'arrive pas à trouver le mot en français, mais dans l'obscurité, voilà. La démocratie meurt dans l'obscurité. C'est pour moi le journalisme et le journalisme d'investigation, c'est vraiment une des choses les plus importantes dans une démocratie. Et c'est quelque chose qui permet de tenir tout ça en place, et là Spielberg le montre parfaitement avec ça, avec cette question est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas, avec ces différents plans, par exemple dans cette scène où est-ce qu'on publie ou est-ce qu'on publie pas, avec tout le monde au téléphone, on a 5 personnes sur la même ligne au téléphone avec tous un avis assez différent, et une personne qui en doute vraiment, et la personne c'est Meryl Streep, du coup c'est Catherine Graham, on l'a pas dit, mais qui est propriétaire du coup du journal de Washington Post, qui l'a hérité. En fait, son père, ça appartenait à son père, qui l'a donné à son mari, et son mari est mort, et du coup, elle l'a récupéré, du coup, le Washington Post, et du coup, elle est dans ce milieu-là, alors qu'elle était, elle se pensait jamais. Elle pensait ne jamais être faire partie de ce milieu. Pourtant, elle était la fille du propriétaire du journal. Elle a vécu toute sa vie dans ce milieu, et pour elle, ça paraissait normal que ce soit son mari qui récupère le papier, le Washington Post, le journal. Donc voilà, c'est. Juste la scène au téléphone où il y a des avocats, il y a des conseillers proches, etc. Et elle se demande ce qu'il faut faire. Et finalement, quand elle demande, quand elle dit de publier, ouais, cette scène magnifique où la machine se met en route après au niveau du journal, et c'est juste génial. À suivre, le rythme est vraiment, on s'ennuie pas une seule seconde. Quand le film est fini, enfin, moi, j'avais pas l'impression d'avoir passé, je sais pas combien, 116 minutes, donc ouais, quasiment 2 heures. J'ai vraiment pas vu le temps passer. Moi non plus. Ouais, ça file à toute vitesse, ça parle dans tous les sens. Alors, je sais pas si tu l'as vu en VO, ST ou en VF, parce que VF, non, ouais. Mais j'adore la VF de Meryl Streep, y a pas de D'accord. problème. D'accord. Ok. Donc si franchement, si vous allez le voir en VO, il faut, enfin, ceux qui n'ont pas un bon niveau d'anglais, il faut s'accrocher au niveau des sous-titres, je pense, parce que ça file à toute vitesse, il y a 3 personnes qui parlent en même temps, enfin voilà, donc c'est une expérience assez spéciale pour si vous allez le voir en VOST et que vous êtes pas hyper calé en anglais, c'est quand même assez spécifique, voilà, ça donne une ambiance toute particulière au film. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Spielberg est un maître en ce qui concerne plan-séquence qui... En fait, il sait faire des plans-séquences qui sont magnifiques et qu'on ne remarque pas, mais qui sont pourtant... par exemple, la scène où on voit pour la première fois, Catherine Graham et Benjamin Bradley prendre... Un petit déjeuner dans un café, et ben il y a une scène de dialogue qui dure bien 5 minutes où la caméra reste sur les personnages et du coup ça veut dire qu'il n'y a pas de coupe, il n'y a aucun montage, donc c'est quasiment comme une pièce de théâtre à un moment. Et en fait le plan séquence c'est tellement naturel, avec bien sûr il y a le brio des acteurs qui jouent et qui donnent le rythme, et donc le montage n'est pas nécessaire sur ce coup là mais voilà quoi. Donc c'est assez impressionnant pour tout ce qu'il fait au niveau des plans séquences et même au niveau du cadrage, enfin voilà quoi, c'est juste génial. Au niveau de la photographie, c'est toujours le mec qui s'occupe de toute sa photo quasiment, c'est Janusz Kaminski qui s'est occupé du Pont des Espions, Tintin, Cheval de Guerre, Munich, La Guerre des Mondes, Arrête-moi si tu peux, Le Terminal, Minority Report, et j'en passe, parce que vraiment il y en a énormément. Donc ça c'est toujours aussi magnifique. Les acteurs, on en a parlé déjà, mais bien sûr Tom Hanks, Meryl Streep, qu'est-ce qu'on peut dire de plus. Et les acteurs secondaires sont vraiment géniaux, je trouvais. Je pense que c'est bien d'avoir des grosses têtes d'affiche, mais quand t'as des acteurs secondaires qui sont nuls, eh ben souvent ça peut ruiner un film. Et c'est là, ils arrivent à tenir tête à Meryl Streep et à Tom Hanks d'une magnifique manière. Et c'est vraiment, enfin vraiment, chapeau pour la direction des acteurs et le choix des acteurs surtout pour tenir tête à Tom Hanks et Meryl Streep. Enfin voilà, il faut quand même. Il faut en avoir. Voilà ce que je voulais dire encore. Oui, tout ce qui se passe au niveau, bien sûr, on est dans les années 70, donc post-révolution sexuelle, ou encore un peu la fin des années hippies. Ça commence à. Enfin, la fin des années 60 annonce. La fin des années hippies. Du coup, on voit toujours ce mouvement qui continue contre la guerre du Vietnam, les protestations, etc. Du coup, c'est ce qui est bien retranscrit au niveau de... en fait, ce que j'ai adoré aussi dans ce film, c'est que Steven Spielberg, il s'inspire des plus grands et il fait des... Alors voilà, il s'inspire de Akira Kurosawa quand il s'agit de disposer ses acteurs dans les plans et quand il fait aussi des plans séquences. C'est-à-dire que il va pas faire un plan sur un seul personnage, puis après une coupe et l'autre personnage qui répond. Et il va laisser sa caméra, il va mettre plein d'acteurs dans le champ. Et les acteurs vont réagir en direct, sans coupe, à ce qu'un acteur... En fait, ils écoutent et ils réagissent. Et ça, c'est pas rare au cinéma, mais quand c'est bien fait, ça se remarque. Et là, c'est très bien fait. En ce qui concerne le monde des hommes, entre guillemets, de la bourse, etc., et que Meryl Streep, Catherine Graham, arrive dans ce monde, et il y a toute une symbolique au niveau de... Il y a cette scène magnifique où ils sont tous dans... En fait, il risque d'avoir un procès pour publier les papiers et du coup tout le monde arrive, Tom Hanks et tous les mecs de Wall Street, les conseillers, les avocats, ils arrivent chez Meryl Streep, je dis chez Meryl Streep, chez Catherine Graham, en pleine nuit, elle est en robe de chambre et eux ils sont tous en costard et elle est assise à la table et elle est il y a un plan magnifique où elle est englobée carrément par tous ces hommes en costume Et finalement, c'est elle qui est au bout du compte, a le dernier mot. Et voilà, il y a pas mal de symboliques au niveau de l'image qui sont très bien travaillées et qui sont magnifiques. Il y a juste un... J'ai eu encore un dernier truc avant de finir. Ce que j'ai aimé aussi, même si, comme toi, j'aime bien aussi les moments dans les tribunaux, dans les films. Parfois, je pense que si c'était un autre réalisateur qui avait fait ce film, il aurait filmé tout le procès, tous les procès qui sont impliqués dans l'histoire, et on aurait eu au moins 30 minutes de film en plus, je pense. Mais lui, en fait, Spielberg, il filme pas le procès en entier. Il filme quelques moments rapides, et puis après, il passe à la sortie de la cour quand le jugement a été donné, etc. Donc voilà, il va à l'essentiel, et c'est plutôt agréable. Et justement, pour la fin. À la Cour suprême, voilà, pour le jugement de la Cour suprême, j'essaye de pas spoiler alors que c'est un truc historique, mais voilà, j'essaye de pas le faire. Pour le jugement à la Cour suprême, le seul truc qui m'a un peu dérangé au niveau justement de cette. Qui me paraissait un peu forcé, en fait, au niveau de cette image de la femme forte et des hommes qui s'en foutent d'elle pour l'instant, mais que le futur verra bien qu'elle avait raison. Le moment où ils sortent de la Cour suprême, donc Tom Hanks, Meryl Streep, il y a aussi les propriétaires du New York Times qui étaient avec eux, et donc tous les journalistes se ruent vers eux. Et elle descend les marches et personne ne va voir ce qu'elle pense du procès, alors que alors je connais pas l'histoire, si ça s'est vraiment passé comme ça, je m'excuse, mais en même temps ça paraît tellement gros que personne ne lui adresse la parole à la sortie de la Cour suprême, alors que c'est quand même une des femmes les plus puissantes pas du pays, mais voilà, elle détient un journal assez puissant, et surtout qu'elle avait le rédacteur en chef de Washington Post avec elle. Aucun journaliste ne se rue vers elle, ils se ruent tous vers les personnes du New York Times, et elle descend les marches, et il y a que des femmes qui la regardent avec des grands sourires descendre les marches, et j'ai trouvé ce moment un petit peu forcé, un petit peu. Regardez, vous savez bien qu'on a raison et que le futur nous le prouvera, et que, enfin voilà, c'est un beau message. Je dis pas le contraire, mais je trouve la manière dont ça a été fait un petit peu forcé et pas très subtil. Voilà, c'est vraiment le seul reproche que j'ai à faire au film. Voilà, la musique est géniale. Le scénario se suit vraiment bien. C'est passionnant et on est passionné par le sujet. Et voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Morgane ? Du tout. Ok, très bien. Est-ce que, pour revenir, tu voyais la scène dont je parlais à la... Bah oui, bien sûr. Mais ouais. Moi, je ne partage pas. Je trouve que c'était un beau moment. Bah, ouais, voilà. Ok, d'accord. Je me suis laissé embarquer par le truc. Oui, bien sûr. Non, mais je comprends. C'est juste, ça m'a un peu sorti. Mais après, j'ai trouvé ça beau quand même, finalement. Donc voilà. On passe à la dernière rubrique du podcast, qui est la Minute Nerd. On est donc à la dernière rubrique, la Minute Nerd. Ce mois-ci, c'est moi qui vais vous parler d'un objet culturel qui m'a intéressé ces derniers mois, et j'ai beaucoup hésité. Comme je l'ai dit avant, on va parler d'un album. On va pas parler de l'album de Louane, malheureusement, comme Morgan l'avait prévu. mais je le dis quand même que j'ai écouté son dernier album et que j'ai bien aimé, voilà. Jugez-moi si vous voulez, mais en tout cas, moi j'ai trouvé ça très beau. Il y a quelques morceaux qui sont pas géniaux, mais en tout cas, la plupart est vraiment bien. Donc voilà, mais on va pas parler de ça. On va parler d'un groupe que j'ai découvert récemment, un groupe français, et que, dont je suis devenu assez fan très rapidement. Leur CD est sorti le 2 février 2018, donc c'est vraiment assez récent. Et c'est Therapy Taxi, et l'album s'appelle It's Sal. Donc, moi, personnellement, j'écoute pas énormément la radio. Je sais qu'ils étaient passés, enfin, qu'ils passent de temps en temps sur Virgin Radio. Voilà, mais je connaissais pas du tout, donc j'ai vu la pochette de l'album sur Spotify. Je suis allé sans rien connaître et je trouvais ça juste génial. C'est un trio pop, enfin, il mélange pop, électro, vraiment avec des rythmes assez entraînants, vraiment, et des paroles souvent marrantes, crues, et qui et parfois vraiment touchantes, ça dépend des morceaux. Voilà, moi je kiffe vraiment cet album. Je l'ai acheté en CD justement pour l'écouter. Enfin, je l'avais écouté déjà énormément de fois sur Spotify, mais je me suis dit que je voulais contribuer au succès du groupe d'une manière un peu plus que d'écouter sur Spotify. Donc voilà, j'ai acheté l'album, je trouve ça génial. Je vais vous faire une petite liste des morceaux que je préfère, les trois morceaux que je préfère, et après je vous passerai un petit medley de ces trois morceaux pour vous faire un avis sur le groupe. En tout cas, moi je vous conseille énormément de l'écouter, plus si ça vous intéresse. Donc pour moi, en troisième, je mettrai PVP. Voilà, qui est génial. Ensuite, salaud ou salope, entre parenthèses. C'est souvent assez cru et c'est souvent assez c'est marrant, mais c'est jamais non plus dans la violence, quoi. C'est assez marrant. Et finalement, le titre It's Sal, qui est pour moi juste génial. Donc voilà, je vous fais un petit medley et on se retrouve du coup pour la fin du podcast juste après ça. C'est parti. J'aimerais que tu couches avec elle, ça me ferait du bien d'avoir un peu plus mal. Que tout se courbe dans la douleur quand je vois ton petit regard sale. Que tu la touches devant moi, que tu me souilles malgré toi. Et si tu rentres au petit matin, promis ça me fera rien. Je rêve de l'éclater quand elle te plaît, te fait sourire comme ça. A toujours me demander si avec sa petite langue elle est meilleure que moi. Mais pitié mon cœur, sors-moi de ces tourments que sont ma tête qui pend. Ça me ferait du bien d'avoir un peu plus mal. Que tout se courbe dans la douleur quand je vois ton petit visage pâle. Que tu le touches devant moi, que tu me souilles malgré toi. Et si tu me racontes ça demain, promis ça me fera rien. Je rêve d'une aventure où il te prendrait toute nue dans ses bras. A toujours me demander si avec ce petit jeu l'amour nous reviendra. Mais pitié mon cœur, sors-moi de ces tourments que sont ma tête qui pense. À toi et tous les autres qui volent ton corps et ta sueur juste pour une danse. Mon cerveau me tend des pièges, me laisse croire que j'ai la solution. Va te faire enculer, va bien te faire enculer, salope. J'en ai plus rien à faire, je te cracherai bien mes glaires, salope. Et là tu fais ta pute comme une tasse en rude, salope. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, salope. Tu te fais souiller par des fils de pute qui te font à peine mouiller. À tour de bras tu suis des queues, tu t'en mets plein les yeux. Tu rampes comme une chienne, tu pries pour qu'on te prenne amen. Joue à la nympho avec ta chatte, tu fais un concerto. Mais Et mon rêve, ma chérie, c'est de me perdre dans tes yeux bleus, d'être en vie, d'être amoureux, de s'en aller un peu. Oui, mon rêve, ma chérie, c'est de me perdre dans tes yeux bleus, d'être en vie, d'être amoureux, de s'en aller un peu. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. Tu fais le mec qui a des principes et tu penses qu'avec ta bite, bâtard. Je te ferai bouffer mes tampons, t'étouffer comme un con, connard. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. Fais sucer comme une choupe à choupe dans une cour de récré. À tour de langue, tu les dépouves de 16 ans bien tassés. Tu chiales comme une merde, tu pries pour que je te reprenne, amen. Tu joues au mec mélo, avec ta bouche tu fais un concerto. Mais mon rêve, ma chérie, c'est me perdre dans tes yeux bleus, d'être en vie, d'être amoureux, de s'en aller un peu. Oui, mon rêve, ma chérie, c'est de me perdre dans tes yeux bleus, d'être en vie, d'être amoureux, de s'en aller un peu. Alors va te faire enculer, va bien te faire enculer, salope. Oui, va te faire enculer, va bien te faire enculer, connard. Y'a les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie, bourré dans la nuit. Et ton corps qui se tord, seulement pour me plaire. Mais tu sais, moi je mens, tes rêves imaginaires. Y'a des bugs dans ma tête, tes rêves imaginaires. Y'a des bugs dans ma tête, quand j'écrase ma cigarette. Ici tout le monde déraille, t'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. T'as bugué nos entrailles, t'es 1000 fois trop, 1000 fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits. Mon castal, tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Je manque d'application comme les GSM. T'as réparé le mal que j'avais laissé. T'es mille fois trop bonne pour que j'aie le seum. Mais là tu me contrôles et ça tu le sais. Tu continues à danser sur des hits sales. T'as mis un pull XL, on voit quand même tes lolos. J'pourrais être ton beau gosse, j'pourrais te faire du viscard. T'allumes toutes les flammes et j'suis docile comme un bolos. Ici tout le monde déraille. T'es 100 fois trop, 100 fois trop bonne. T'as bugué nos entrailles. T'es 1000 fois trop, 1000 fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon castal. On est donc à la fin de ce podcast. Voilà, si vous avez aimé Thérapie Taxi, n'hésitez pas à aller regarder leurs clips, sont aussi géniaux. Et abonnez-vous à leur page Facebook, Twitter, etc. Allez voir peut-être en concert. Moi, je sais qu'à Strasbourg, ils ont déjà plus de place, donc je suis tout triste. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. C'est toujours un plaisir de le faire et c'est toujours un plaisir de vous voir nombreux à l'écouter. Je sais qu'on a toujours un problème pour PodCloud. Je sais que je m'excuse tout le temps, mais je suis obligé de le faire parce que de un, j'ai pas le temps, et quand j'ai le temps, je m'arrache les cheveux parce que je comprends pas le problème. Donc je fais un appel à des gens. Connaissent un peu les flux RSS, qui me fassent un petit message sur Twitter ou sur n'importe quoi pour m'aider si vous avez la solution. Donc voilà, je fais un appel. On va rappeler les liens où vous pouvez nous retrouver. Ah oui, j'ai oublié déjà de remercier Morgane. Mais de rien. Mais c'est toujours un plaisir en plus de t'avoir entendu autant sur tous les films. Là, ça m'a donné envie. Sauf pour oui. Greta Showman, j'ai pas trop envie. Oui, mais voilà. J'écouterai peut-être la BO finalement. Oui, il faut. Voilà. Donc, moviesnerd.net pour retrouver les critiques, les émissions audio et vidéo. Sur Facebook, c'est moviesnerd tout court. Et sur Twitter, c'est movies_nerd. Vous pouvez aller noter le podcast sur iTunes, là où il est disponible. Sur PodCloud, malheureusement, il n'est pas disponible. Donc, enfin, il y a les anciennes émissions, mais voilà. Vous pouvez toujours noter et dire que les émissions ne sont pas là. je crois que c'est à peu près tout pour Movies Nerd. Moi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Facebook. Twitter, Sens Critique, Movies Nerd, The Lexal, THELEXAL. Et c'est à peu près tout, voilà, donc je vais laisser la parole à Morgane. Alors moi on peut me retrouver sur Twitter, @cinemorgane, on peut me retrouver également sur Vodcaster, Cinémaniac, sur Facebook, Morgane Sheridan, sur Instagram. Oui, Morgane c'est Sheridan vrai que tu t'es inscrit 05. Il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps, voilà. Et ouais, c'est bien Instagram en fait. Ouais, c'est vrai, c'est j'ai sympa. J'ai une vie très intéressante entre les films, le fast-food et puis voilà. c'est aussi The Lexal hein, sur Instagram si ça vous intéresse. Moi c'est, je poste pas souvent mais voilà. Et puis sur Snap, allez-y, ajoutez-moi sur Snap M Cinémaniac. Bah oui, après tout on fait tout, vous pouvez me retrouver partout, je parle beaucoup de films sur Snap, vous verrez, même si la mise à jour est une abomination. J'ai entendu voilà. Ça apparemment c'est ignoble. Donc voilà, merci encore à toi Morgane, merci à vous tous d'avoir écouté jusqu'au bout, là je pense que c'était agréable, c'était à peu près 1h20 avec toutes les coupes qu'on a fait, voilà, c'est juste bien. Donc on vous dit au mois prochain pour les films de février, il me semble qu'il y a pas mal de films qui vont sortir en février et dont on va parler je pense. Et, il y a ce qu'il faut. Oui, il y a ce qu'il faut, donc d'ici là, on vous dit salut. Ciao.